Cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Intahayna fi akhir ad-dars min shurut la ilaha illallah. On a fini dans le dars précédent les conditions de la ilaha illallah. Et on a cité des vers de poésie pour résumer ces conditions. العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. هكذا لخصها العلامة حافظ الحكمي رحمة الله عليه. الشيخ الحكمي l'a résumé رحمه الله ces sept conditions dans ces deux vers de poésie. بعض العلماء ils ont rajouté une huitième condition. ما هي؟ Al-Kufr bil-Tahout. Ma dalil? Faddal akhi. Ahsant. Fama yakfur bil-Tahout wa yu'min billah. Hakada. Qala Allahu Azza wa Jal. Wa hada al-shart fi al-haqiqa. Dakhilun fi madha? Certains savants, ils ont cité ce shart, à part en huitième condition. Lakin, ceux qui l'ont pas cité fi al-haqiqa, ce shart il rentre dans une autre condition. Mahi, fatal. Ahsant, al-ikhlas ou al-mahabba. Lianna al-ikhlas la bud min al-kufr bil-ta'ut. Wa ibadatullahi wahdahu la sharika lah. Pour être mukhlis, bien sûr, il faut détester le shirk et délaisser le shirk. Et adorer Allah seul. La bud min nafi wa ithbat. Al-nafi ay nafi al-ta'ut. Kadhalik al-mahabba. Celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste الشرك والكفر هذا والله الحمد سيكمخي. نبدأ إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني من هذه الرسالة la deuxième partie de cette رسالة ce qui concerne شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف الشيخ حافظ رحمه الله ثم علم أنه لا يكون من شهد أن لا إله إلا الله مؤمنا حتى يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ces deux shahada elles vont ensemble. لابد لمن شهد أن لا إله إلا الله وحقق شروطها وعمل بمقتضاها ولم يناقضها بشيء من نواقض الإسلام. Celui qui prononce لا إله إلا الله et il applique son sens, et il adore Allah subhanahu wa ta'ala seul. Kadhalik, il fait des efforts dans ces conditions qu'on a citées. Labut ma'ahada, il est obligé de prononcer, de comprendre la deuxième attestation. Elles vont ensemble. Falihada al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, il a cité les deux shahada dans un rukn. Fata'ammal. Il n'a pas cité chaque shahada, un pilier de l'islam. Là, les deux shahada, les deux attestations, et il les a cités dans le même pilier. Hadith Ibn Umar radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس. L'islam il est fondé sur cinq piliers. Le premier شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il a cité les deux shahada dans un pilier. Ça montre que ces deux shahada elles vont ensemble, elles sont liées. فلو قدر أن شخصا si pour expliquer, on donne un exemple. Anna wahid et témoigne an la ilaha illallah, lakin il refuse de dire ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ou il refuse de croire anna muhammadan c'est rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hada laysa bimumin, c'est pas un mu'min. Walaw si témoigne la anna la ilaha illallah. Léana savait ensemble comment il va appliquer la ilaha illallah s'il ne croit pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Léana cette ibada qu'on doit unifier Allah subhanahu wa ta'ala fiha, on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, هذه العبادة, c'est le prophète sallam qui nous l'a montré. La bud ma'a at-tawhid min al-iman bil rasul sallallahu alayhi wa sallam, bel al-iman bi jami' al-rusul kama fi arkan al-iman. On doit croire en tous les messagers que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé et tous les livres que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé. Certains messagers, certains livres on les connaît et leur nom, مثلا التوراة والإنجيل كم ليفر et le prophète Moussa wa Isa wa Ibrahim qablahum haula nu'min bihim et kadhalik nu'min an Allah subhanahu wa ta'ala arsala rasulan wa anzala kutuban wa rubbama la nadri, on connaît pas leur nom, lakin nu'min bi haula ar-rusul wa bi hadhihi al-kutub imanan mujmalan. Hada c'est important. Donc shahadatu anna Muhammadan rasulullah elle est liée avec la première shahada. قال مع التزامه فيها بجميع الشروط التي قدمناها مع أدلتها من الكتاب والسنة والتي فرقت بين هاتين الشهادتين وبين شروطها المذكورة منطوقا ومفهوما. على كل حال on doit اولا comprendre ان les deux shahadas elles sont liées. C'est pour ça que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a cité ces deux shahadas dans le même pilier. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في رسالته كلمة الإخلاص, c'est une رسالة طيبة في التوحيد للحافظ ابن رجب صاحب جامع العلوم والحكم. قال ومنها هنا يعلم أن لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله. Pour valider la première shahada, on est obligé d'avoir la deuxième. Elles vont ensemble. فإنه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ. On est obligé d'aimer Allah comme on a vu dans les conditions. Obligé d'aimer Allah ou aimer Tawhid, aimer sa religion. On est obligé d'aimer Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça va ensemble. Donc ça implique qu'on doit aimer Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on l'aime? Parce que c'est un Rasoul. Donc automatiquement on doit prononcer cette shahada, la comprendre et comme ça y est, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam autant qu'on peut. قال الشيخ حافظ رحمه الله ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أو ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه في جميع ما أخبر به عن ربه عز وجل من أنباء ما قد سلف وأخبار ما سيأتي. Et ça c'est important. معنى هذه الشهادة أي quand on prononce ولله الحمد جميع المسلمين y prononce هذه الشهادة لكن on doit savoir son sens, connaître son sens pour l'appliquer. الآن on témoigne tous أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله. Et le sens, Cheikh Hafiz رحمة الله عليه il a cité في الحقيقة اللازم, est-ce que ça va impliquer. وإلا فle sens قال Cheikh ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح الأصول الثلاثة معنى شهادة أن محمدا رسول الله هو الإقرار باللسان. أولا t'affirme en prononçant. كذلك والإيمان بالقلب, كذلك t'as la conviction, t'es sûr, tu crois بأن محمدا عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est ça le معنى. Hey, on prononce et on croit. C'est ça le sens, une croyance. أن محمدا ابن عبد الله القرشي الهاشمي c'est un رسول من عند الله. الله سبحانه وتعالى il l'a envoyé à jami' al-nas wa jami' al-jin pour leur propager ce message, l'islam. قال Cheikh ibn Uthaymeen Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a jami' al-khalq min al-jin wal-ins. C'est ça le معنى. Si on te demande le sens de la shahada, la ilaha illallah, personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Muhammadun Rasulullah أي أنه سأرسول من عند الله عز وجل الله اللي envoyé à toute l'humanité et aux djinn. ثم cette shahada elle va impliquer des choses. Si tu crois et tu as la conviction أنه سرسول الله صلى الله عليه وسلم, ça va impliquer ce que Cheikh Hafiz al-Hakami رحمة الله عليه il a cité. Et بعض العلماء كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب il cite في معنى الشهادة أي شهادة أن محمد رسول الله, il cite le لازم, est-ce que ça implique. كذلك شيخ حافظ pourquoi لأن si tu crois en ce qu'ils ont cité الآن في اللوازم automatiquement c'est un رسول فلا بأس. Hamshay, c'est que tu comprennes al-ma'na, est-ce que ça implique. يقول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Ça c'est un dalil أن الرسول صلى الله عليه وسلم c'est un رسول pour جميع الناس. Pas que pour les Arabes, كما يظن بعض الضلال. بعض الضلال ils pensent que اليهود ils ont eu un messager, النصارى ils ont eu un messager, et ça c'est حق. Et ils pensent que le رسول صلى الله عليه وسلم c'est un messager que pour l'Arabe. Et ça c'est باطل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم c'est خاتم النبي, le dernier des prophètes, le dernier des messagers, min babi awla, et Allah subhanahu wa ta'ala khatama bihi ar-risala. Il n'y a plus de messagers ba'da nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce messager, le dernier, c'est afdaluhum, c'est le meilleur des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, bilijma', et kadhalik, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé pour tout le monde. Al-ins wal-jin. Donc cette aqida anna rasul, c'est que pour l'arabe, comme y pensent certains, haqiqa contredit le Coran al-Karim. Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaykum jami'a. Pour tous, sans exception. Si tu as compris hada, tu comprendras anna celui qui croit pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un musulman. Que les Yahoud ou les Nasara, annahum, ils ont soi-disant un livre, et fil-haqiqa, ils l'ont falsifié, et soi-disant ils suivent le Rasoul, et fil-haqiqa, ils ne suivent pas le Rasoul, que ce soit Isa ou Moussa, fa-ha-oula, tant qu'ils n'ont pas la croyance anna Muhammadan sur Rasoulullah, c'est des kafars. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده et jure عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده أي الله سبحانه وتعالى لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. Al-Hadith, il est fait sahih muslim. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il jure, anna celui qui entend parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, annahu c'est un rasoul, annahu Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé pour un naz, et il ne croit pas, alors qu'il a entendu la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit un juif, un chrétien ou autre, c'est un kafir. Pourquoi? Parce que c'est wajib ala jami'a al-thaqalain al-jin wal-ins de croire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça le shahada. S'il a la croyance, il prononce. C'est obligatoire. S'il a la capacité. Thumma, s'il a prononcé avec shahadatin la ilaha illallah, thumma, il applique ala qadr al-istita'a. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala seul et il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, dîn l'islam. Dîn l'islam, c'est pas une appartenance à une région, à une origine. Wa'aduhum, ils pensent que les juifs, c'est telle catégorie de personnes. Les chrétiens, c'est réservé pour telle catégorie. Et l'islam, le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour les Arabes. Et chacun sa religion. Et on est tous des frères. Ça, c'est batil. Dînul islam, dîn Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a abrogé tous les adhyans. Celui qui ne suit pas ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa la yu'min billadhi ja'a bihi min al-haqqi wal-huda, c'est pas un musulman. Walou il se prétend croyant, walou il prétend aimer les autres messagers, la yakfi. Et il est obligé de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a celui qui différencie entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les autres. Il croit maintenant en Moussa, en Isa, en Ibrahim. Thumma, il croit pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fil haqiqa, c'est un ta'n fillah. Il y en a, il croit en une partie, il croit pas en l'autre. S'il croit vraiment en Allah, ce juif ou ce chrétien, pourquoi il croit pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il y en a celui qui a envoyé Moussa, qui a envoyé Ibrahim, qui a envoyé Isa, c'est celui qui a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu es obligé de croire en tous les messagers. فَلِهَذَا الْمُؤْمِنَ الْمُسْلِمِ il croit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il croit en Isa, en Moussa, Ibrahim, et tous les messagers, et tous les prophètes. هَذَا الَّذِي لَا يُؤْمِنَ بِالنَّبِي sallallahu alayhi wa sallam, ou لَا يُؤْمِنَ بِالْقُرْآنِ كَذَلِك, c'est pas muslim. فَلَا تَغْتَرْ بِالْحِرَافِ بَعْضَ النَّاسِ أَنَّهُمْ ils appellent à unifier les religions, à respecter les autres religions, on est tous des frères, ils ont leur livre, on a le nôtre, ils ont leur messager, on a le nôtre. Ça c'est min a'zam al-jahl. Ceux qui prononcent cette parole, ou ils y pensent, ils appellent à hada, ils connaissent pas leur dîn. Et c'est des égarés, iyadam billah. Qala al-allama al-uthaymin rahimahullah ta'ala, toujours fi sharh al-usul al-thalath, wa muqtada hadhihi al-shahada. Le sens, la croyance, la conviction, anna muhammadan c'est rasulullah sallam. Et il a été envoyé pour jami' al-nas. Tout le monde, jinn wa ins, ils sont obligés de croire au prophète sallam. Et cette croyance, elle va impliquer des choses. Isma. Wa muqtada hadhihi al-shahada. Est-ce que ça va impliquer l'âme? de prononcer Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est pas une parole qu'on prononce, faqat. C'est pas fêter sa naissance comme ils font Ba'd al-Juhal. C'est pas ça le but. C'est de prononcer cette kalima si tu l'as comprise. Ay annahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des choses que tu devras faire. La première chose, an tusaddiq Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fima akhbar. Première chose, on croit en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de beaucoup de choses. Des choses passées et des choses qui arriveront. Maintenant, les choses passées, les histoires qui sont arrivées à Ibrahim, à Nuh, à Adam, à Moussa. Des choses qui vont arriver, maintenant, al-Jannah wa al-Nar, yawm al-Qiyamah. Al-Mu'min, il doit croire en tout ça. Pourquoi? Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est informé. Et le prophète, c'est un rasoul. Rasoul man? Rasoulullah. Donc, si tu crois en Allah, tu dois croire en son rasoul. Et tu crois aux informations que le rasoul sallallahu alayhi wa sallam y propage. Hadi awwalan. قال وان تمتثل امره فيما امر. Deuxième chose, c'est que tu obéis à ses ordres. Pourquoi? Parce que c'est un rasoul. Certaines choses c'est obligatoire, tu dois les faire. Certaines choses c'est interdit, tu dois t'en écarter. قال وان تجتنب ما عنه نهى وزجر. On l'a cité avec les obligations et s'écarter de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a interdit. وان لا تعبد الله الا بما شرع. كذلك, et c'est la quatrième chose, le quatrième point. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec shari'at nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. T'adores pas Allah comme tu veux. Pourquoi? Li'annaka, tu témoignes anna Muhammadan c'est Rasulullah. Un Rasul c'est pour être suivi. Donc tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme lui. Comme il nous a montré. Li'anna, le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé ce messager, c'est d'être suivi. Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. Amma, prononcer et ne pas le suivre. Enfin, pourquoi tu témoignes annahu Rasulullah? Si c'est un Rasul, c'est un exemple. Allah il l'a envoyé pourquoi? Pour nous montrer. Donc on doit le suivre. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans le suivi du prophète sallam, c'est pas accepté. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Cheikh Hafid al-Hakami, là, on va lire son kalam, il va détailler hada avec des adilla. Intaha kalam Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin rahmatullah alayhi de Sharh al-Usul al-Thalatha. Qala Cheikh Hafid rahimahullah. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله تقدم معنا nous donc le sens أنه la croyance que محمد c'est un رسول من عند الله الله l'a envoyé pour les djinn et l'ins. تصديقه في جميع ما أخبر تقدم معنا من كلام شيخ بن عثيمين أن هذا si on vient à détailler c'est ce que ça implique ce témoignage. تصديقه في جميع ما أخبر به عن ربه عز وجل من أنباء ما قد سلف. الأنباء جمع نبأ سورة نبأ. أي c'est des informations. أي parmi les informations que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous a cité. ما قد سلف. ما قد سلف c'est des choses passées. C'est pour ça qu'on dit السلف et ceux qui nous ont précédés. قال وأخبار ما سيأتي. أي des choses futures. On a donné des exemples. وفيما أحل من حلال وحرم من حرام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم il a dit telle chose c'est halal, telle chose c'est haram. On a la conviction que cette chose elle est halal, cette chose elle est haram. تصديقا جازما بيقين صادق. Cette croyance كما تقدم معنا في شروط لا إله إلا الله c'est يقين الصدق. لا شكوك تداخله ولا أوهام. Faire attention aux doutes. On ne doit pas avoir de doute. Anna, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des voix. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a une preuve authentique, annahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il dit cette chose elle est bien, tu dois avoir aucun doute. Même si la plupart des gens ils pensent que cette chose elle est mauvaise, tu dois avoir aucun doute. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de choses, il nous a démontré que c'est un bien. Et al-malahid al-an, al-kafara, al-munafiqoun, wa man ta'athara bihim min du'afa al-iman. Probablement ils ont des doutes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré Anna, celui qui fait telle chose, il doit être lapidé. Celui qui fait telle chose, le voleur, on doit lui couper la main. On doit avoir la conviction que c'est haq et c'est un khayr. Et ne pas croire en ce que les ennemis de l'islam, ils essayent de propager. Que c'est de la barbarie, etc. L'imad, c'est du kufr. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, al-huda, ou al-haq. Donc c'est important. Qala, لا شكوك تداخله ولا أوهام والامتثال والانقياد لما أمر به من شرائع الإسلام. Al-imtithal, c'est d'appliquer les ordres. Tamtathil. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il t'a ordonné cette chose, tu fais. Il t'a interdit cette chose, tu t'écartes. C'est ça l'imtithal. Walil asaf, ba'd al-nas, cette shahada et cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour eux, c'est devenu. Mathalan, ba'duhum, ils accrochent le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans leur maison, dans leur voiture, ils achètent des cadres où il y a le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains ils fêtent sa naissance. C'est pas ça mahabbatun nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas ça l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est croire annahu sayyid rasoul et tu le suis. Li anna plus tu aimes le nabi sallallahu alayhi wa sallam, plus tu feras tout pour le suivre. Amma ces choses, ces mawalid ou écrire son nom ou certaines choses que بعض الناس font, ça n'a rien à voir avec sunnat an-nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu l'aimes, ça se verra dans ton comportement et dans ton suivi. C'est pour ça que, comme on a cité, les gens, les musulmans, ils ne sont pas au même niveau. Il ne faut pas comprendre celui qui fait une ma'asiyah ou une bid'a, il a annulé sa shahada, il ne s'est plus un musulman. Il y a des niveaux. Tant que ce musulman, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il reconnaît qu'il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a des faiblesses. Comme les musulmans, ils savent très bien que cette chose, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interdit, mais ils la font quand même. Est-ce que ça les fait sortir de l'islam? Là, tant que ce n'est pas un péché qui fait sortir de l'islam. Mais, par rapport à leur désobéissance, à leur délaissement du haq, leur iman, il descend. Il faut bien comprendre. Qala, wal kaf wal intiha amma naha anhu min al maharim wal atham. Tout ça, ça nous montre un celui qui interdit ou qui démontre que cette chose elle fait partie du din, elle est mashru'a, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et l'obéissance du messager, c'est une obéissance à Allah, comme il va citer. Amma, obéir à une créature dans la désobéissance de Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne fait pas partie de tahqiq hadhihi al-kalima. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de délaisser la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour un autre. Ka'inan man kan. Qala, واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر كذلك celui qui témoigne أن محمد رسول الله ça implique أنه suit le prophète محمد صلى الله عليه وسلم et نحن vu que le prophète محمد صلى الله عليه وسلم il est mort إنك ميت وإنهم ميتون on a cette عقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات نحن الآن on doit suivre sa sunnah. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي suivez ma sunna وسنة الخلفاء الراشدين قال مع الرضا بما قضاه والاستسلام وذلك لأن إذا علمنا وتيقلنا أنه رسول من عند الله عز وجل علمنا وتيقلنا أن أمره ونهيه وجميع شرعه إنما هو التبليغ منه لما أمر به الله لما أمر به الله. Et ça c'est important. Si on a cette croyance annahu rasulullah et on témoigne tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté ou nous a interdit ou nous a mis en garde ou déconseillé, ça fait partie de ce dîn. Et fil haqiqa c'est min indillah, li anna le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il propage quoi? La révélation d'Allah azza wa jalla. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha hakadha qala azza wa jalla. وما ينطق عن الهوى اي النبي صلى الله عليه وسلم يبارك بها هوى ابدا ان هو الا وحي يوحى c'est une révélation النبي صلى الله عليه وسلم ان هو الا وحي يوحى اي الله lui révèle et il dit ce qu'il a reçu comme révélation. Et à partir de là tu vois bien le lien entre la deuxième shahada qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui اي ان محمدا رسول الله et la première لا اله الا الله. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a cités les deux dans un même pilier. Wa li hadha qala ta'ala man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alayhim hafiza. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager, il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset nous montre l'égarement واضح de ceux qui différencient entre sunna et le Coran. بعض الناس الان بكل وضوح يقول أن si c'est pas dans le Coran je prends pas. نعوذ بالله. أين شهادة أن محمد رسول الله أين هي. C'est pour ça que les ulama كفروا القرآنيين, ceux qui s'appellent القرآنيين في الحقيقة من أبعد الناس عن القرآن، لأن القرآن الله سبحانه وتعالى في القرآن il nous ordonne de suivre le Rasul. ومن يطيع الرسول، celui qui obéit le Rasul فقد أطاع الله. Comment on va obéir au Rasul نحن à notre époque مع أنه il est mort؟ La sunna qu'il a délaissée عليه الصلاة والسلام. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. Donc ceux qui فرق entre la sunna et le Coran وعياذا بالله ils disent que الدين tu le prends que le Coran، هؤلاء c'est des kafara. لماذا؟ لأنهم ils n'ont pas حقق لا دوزيام شهاده اشهد ان محمد رسول الله سي هؤلاء يتيمون ان محمد رسول الله on leur dit vous devez le suivre avoir cette croyance après ça arrive d'avoir des faiblesses c'est pas celui qui fait une marsia ou une bid'a c'est un kafir là لكن la croyance انه il faut pas le suivre كما هو حال القرانيين c'est du kufr billah azza wa jalla pourquoi لانهم ils ont différencié في الحقيقه entre les deux shahada alors que النبي صلى الله عليه وسلم il les a cités dans le même pilier. Et celui qui différencie entre les deux shahada, ay la yu'min bi shahadati anna Muhammadar Rasulullah, la shakka fi kufri. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Et ça c'est min a'zam alamat, comme on a cité plusieurs fois, fi mahabbati Allah 'azza wa jalla, ittiba' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al ulama ils appellent ce verset ayatul mihna. C'est une épreuve ce verset. Celui qui prétend aimer Allah Azza wa Jal, il y a une condition, il doit suivre le Nabi alayhi salatu wa sallam. قُلْ إِن كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اللَّهِ Si vous aimez Allah, فَاتَّبِعُونِ Suivez-moi. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ Allah il vous aimera. Amma prétendre, sans suivre cette prétention, elle vaut rien. Elle a aucune valeur, aucun poids. عِنْدَ اللَّهِ Azza wa Jal. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما آتاكم الرسول فخذوه tout ce que le prophète صلى الله عليه وسلم vous donne prenez-le ça c'est قول الله عز وجل هذا تعجب نسأل الله العافية والسلامة أن ceux qui disent أن le dîn tu le prends que du Coran تتعجب est-ce qu'ils ont lu le Coran est-ce qu'ils comprennent وما آتاكم الرسول كذلك tu te demandes comment ils font le salat comment ils font le hajj لأن كثير من العبادات خاصة التفصيل لي ديتاي سي با سيتي في القرآن في القرآن سي با سيتي كومبيان ركعات تو دو فير كيسك تو دو ريسيتي سي با سيتي تو سا في القرآن لي ديتاي سي في السنة كذلك الحج كذلك الزكاة كذلك بوكو دو شوز دي عبادات سون سيتي كو في السنة ربما الأصل اللي في القرآن من حيث الإجمال مثلا أوبيغ ميساج الله صلى الله عليه وسلم سانغلوب توت لي عبادات لكن لي ديتاي مثلا دي مسائل avec les voisins دي مسائل dans le commerce دي مسائل dans le mariage دي مسائل concernant le جنائز c'est pas cité في القرآن et c'est cité في السنة ça te montre أن هؤلاء c'est des زنادقة ceux qui ont délaissé et croient plus en السنة c'est des زنادقة c'est pas des مسلمون أبدا وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كذلك من لوازم هذه الشهادة سينتمون أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله سينا problem on a خلاف في الدين on est obligé de revenir à حكم الرسول فلا وربك لا يؤمنون ils croiront pas tant que ils reviennent pas au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما شجر بينهم أي ما حصل بينهم من خلاف مثلا tu prétends une chose je prétends une autre tu dis que c'est une sunna je dis que non on est obligé de revenir au رسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يفهم من هذا أن celui qui applique pas la sharia c'est forcément un kafir là عند أهل السنة il y a un tafsil on l'a cité plusieurs fois فلا وربك لا يؤمنون هنا نفي الإيمان c'est pas forcément نفي الإيمان أصل الإيمان أي c'est plus un مؤمن là tant qu'il reconnaît que c'est sharia لكن il la délaisse à cause d'une faiblesse à cause de ses passions à cause de pression هذا ça dépend de son cas c'est pas forcément un kafir là s'il pense que la sharia c'est haq lakin il a des faiblesses c'est un muslim et on avait lu plusieurs fois kalam Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayh et Cheikh Abdelaziz il a cité ce verset. Thumma, il a démontré an-nas par rapport à tahkim al-sharia, ils sont plusieurs catégories. Et ça, c'est important. Kam min an-nas, à cause de leur ignorance ou leur passion, dans des choses où il y a besoin de détailler, ils ne détaillent pas. Et ils pensent que tous ceux qui font ça, ils rentrent forcément dans ce verset, dans le hukm. Alors qu'il y a des détails, les mada. Les anna, il faut revenir à tafsir al-sahaba, il faut revenir aux autres adil. Et ça, c'est une des plus grandes causes d'égarement, prendre qu'un délil et délaisser les autres. Ou essayer de comprendre tout seul et délaisser la compréhension de al-salaf. Fali hada, Cheikh Abdelaziz, il a cité la première catégorie. Yaqul inna al-shara afdal, walakin la mani' min tahkim ghayr al-shara. Yaqul, donc al-shari'a c'est mieux, lakin c'est permis de juger avec autre que les lois d'Allah. Ça, c'est la première catégorie. Et c'est du kufr. Limada, l'Yanna, il pense que juger avec autre que les lois d'Allah, c'est autorisé. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Ouais, il pense que c'est autorisé. Ça, c'est du kufr. Deuxième catégorie, يقول إن الشرع والقانون سواء ولا فرق. Deuxième catégorie, c'est plus grave que la première. أنه, il dit que الشريعة et les lois humaines, c'est la même chose. Il les met au même niveau, c'est du kufr. Et c'est plus grave. Le premier, il dit que Sharia est meilleur. Lakin c'est autorisé, il sort de l'islam. Le deuxième, il dit que c'est la même chose. Kadhalik c'est du kufr. La troisième catégorie, il yaqul inna al-qanun afdal wa awla min ash-shar'. Wa hadha aqdah ath-thalatha. Hadha c'est encore plus grave. Il dit que al-qawanin, les lois humaines, c'est mieux que la loi d'Allah Azza wa Jalla. Hadha c'est du kufr clair. Et c'est la catégorie la plus grave. قال شيخ ابن باز وكلها كفر ورد عن الاسلام اي les trois premières catégories. ثم قال اما الذي يرى ان الواجب تحكيم شرع الله انه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها مما يخالف شرع الله ولكنه قد حكم بغير ما انزل الله لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه. Ça peut être les passions, انه il en veut à une personne et il sait très bien qu'il a le haq, lakin il va utiliser autre que les lois d'Allah pour faire du mal à cette personne. Mais au fond de lui, il sait que حكم الله c'est afdal et c'est wajib. Lakin il suit ses passions. Hada c'est un asi, il n'a pas le droit. Il est injuste envers son frère et كذلك il a khalif amr Allah. Lakin ça reste un musulman. Limada lianna il reconnaît que c'est obligatoire de revenir à la sharia. حكم الله wa حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. Et il a cité d'autres exemples. Ou les rishwa. Matalan, c'est pour de la corruption. Ou les umur siyasiya. Pour des enjeux politiques. Ou ma ashbaha dhalik. Ou des autres causes. Tant qu'il pense que al-shari'a c'est le haq. Et annahu il est zalim. Et annahu il est mukhti. Fahada kama qal Cheikh Ibn Baz. Wa huwa ya'lam annahu zalim mukhti wa mukhalif li shar'. Fahada yakun naqis al-iman. Donc dans ce cas, قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون أي الإيمان الكامل الواجب كما قال شيخ ابن باز وقد انتفى في حقه كمال الإيمان الواجب أي إلى خالف هذا دونك يطم في المعصية إلى خالف الواجب et son إيمان descend لكن ça reste un مسلم. انتبهوا لهذا لأن الخوارج وبعض الضلال ils utilisent ce genre de verset pour كفر الأمراء ولاة الأمور. أما عقيدة السني أنه يرجع أهل العلم في هذه المسائل. التفصيل شيخ بن باز علماء السنة إليه طيب في هذا. كذلك الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم إلى ستة حديث كي dans les 40 نووية لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. On l'a vu ce dalil. Et on avait montré que le hadith est da'if, lakin le ma'na est sahiha. Wa naffi al-iman, huna, c'est kamal al-iman. Fabn Rajab, rahmatullah alayhi, il a démontré, qala fa hadha al-insan la yakun mu'minan, kamil al-iman, al-wajib, hatta takun mahabbatuhu taba'an lima ja'a bihi al-rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre que celui qui khalif al-rasul, sallallahu alayhi wa sallam, lakin il aime al-rasul. Et il reconnaît que c'est le haq, lakin il a des faiblesses. Imma il délaisse des obligations, imma il fait des ma'asi. Hada son iman, il descend. Son iman il descend et ça reste un mu'min. ثم قال ابن رجب رحمه الله وقد ورد في القرآن بمثل هذا قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون. Le même tafsid avec qu'on a fait une calab Cheikh Ibn Baz. هذا c'est مهم. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله ومعصيته معصية لله واتباعه هو اتباع محاب الله ومرضاته وموجبات مغفرته ورحمته وتحكيمه هو تحكيم ما أنزل الله وكراهية حكمه كراهية حكم الله عز وجل. Celui qui déteste الرسول عياذا بالله, ça implique qu'il déteste Allah, et c'est du kufr. Et s'il rejette حكم الرسول, il rejette حكم الله. Pourquoi? لأنه c'est un رسول من عند الله, et il propage le message que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de propager. Donc الطعن في c'est الطعن في الله. C'est pour ça que les deux shahadats sont cités ensemble. ولله الحمد المسلمون يزام النبي صلى الله عليه وسلم يغسبكت النبي صلى الله عليه وسلم بل بعضهم تلمو كي يزام النبي صلى الله عليه وسلم اي يسلميت با بك الشريعة ربما يزيكزاجر فيه وإلا فالمؤمن إلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن مم cet amour elle doit être limitée avec الشريعة. Cet amour c'est le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم, pas inventer des choses. قال كراهية حكم الله عز وجل فهو صلى الله عليه وسلم لم يأمر إلا بما أمر الله به ولم ينهى إلا عما نهى الله عنه ولم يشرع أو يشرع إلا ما أمره الله بتبليغه ولم يحكم إلا بما أراد الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Tout ce que النبي صلى الله عليه وسلم il a fait, il a jugé, il a tranché, tout ça c'est min al-wahy, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a révélé. ولهذا قال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا ان ما على رسولنا البلاغ المبين. Allah subhanahu wa ta'ala il met en garde ceux qui se détournent. اطيعوا الله واطيعوا الرسول ثم il met en garde ceux qui se détournent et il démontre عز وجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم il démontre فقط. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné et qui a interdit ces choses. Et les comptes, ils se feront à indallah azza wa jalla. Wa qala ta'ala qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma humila wa 'alayhi wa 'alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghu al-mubin. Donc al-mahabba, celui qui aime Allah et il veut que Allah il aime, il suit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut la guider, كذلك. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا. Si vous lui obéissez, vous serez quitté. قال وقال تعالى قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِ مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. والمعصية هنا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أي لمعاصي كيف نصحتر دل الإسلام ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. أما عقيدة أهل السنة avec beaucoup d'autres أدلة أن المعصية ça fait pas partie, ça fait pas sortir de l'islam. إلا celui qui rend halal, c'est autre chose. لأنه c'est un طعن في الله. الله سبحانه وتعالى يدي c'est حرام, الرسول يدي c'est حرام, هو يدي c'est halal. فهذا في الحقيقة même s'il fait pas la معصية il sort de l'islam. Si c'est une chose connu, c'est clair, lui-même il sait que Allah il l'a interdit et il khalaf, fa fi hadha yat'an fi hukm Allah. Amma il reconnaît et il fait cette ma'siya, bien sûr une ma'siya qui ne fait pas sortir de l'islam, que shirk wa sihr, etc. Fa hadha ça reste un mu'min et il est da'if l'iman, kama hiya aqidatu ahli sunnah. Wa qala ta'ala ya ayyuhal rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fa ma ballagta risalatahu wallahu ya'asimuka minan nas. Ces versets, Cheikh Hafid les a cités pour démontrer أن الرسول صلى الله عليه وسلم سامبلغ عن ربه أي البلاغ c'est propagé. فالله سبحانه وتعالى c'est lui qui a révélé à son prophète صلى الله عليه وسلم. C'est pour ça que Cheikh Hafid la suite الآن il va démontrer أن هذا الرسول c'est un عبد. On n'a pas le droit de l'adorer, on n'a pas le droit de penser qu'il peut gérer هذا الكون comme ils pensent certains égarés عياذا بالله. C'est un rasoul et c'est un abd. Et on l'aime parce que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on détaillera, incha'Allah ta'ala, هذا dans le prochain dars. Naktafi bihada, walhamdulillah.